Ah, revoilà le sale go. Le feat du sale go. Revoilà le sale go. Le feat du sale go. Mais qu'est-ce qu'elles ont ces meufs à fouiner sur Facebook? Ce sont des chèvres et je les nique, je suis le bouc. Si tu as un doute, viens donc vérifier mon bout. Prends-y garde petite, tu risquerais d'y prendre coup. Mes rimes sont obscènes, mais ça tu le sais. Je garde mes chiennes pour mieux les dresser. Un collier anti-gémissement en guise de récompense. Tu sais ce que j'en pense. Fille de Z n'a pas de deuxième chance. Elles croient toutes me connaître, toutes m'anticiper. Mais à vrai dire, y'en a pas une que j'ai paniqué. 20 cm, prends garde poulette, je pourrais peut-être te la mettre. En missionnaire ou en levrette, tu sais comment ça se passe. Net et efficace, fille de ZY, éjacule sans laisser de traces. Je dois être mise au chine à cause de toutes mes petites copines. Toutes ces petites coquines qui ont fait de moi une coquille vide. L'amour me laisse un goût amer, mis à part pour ma mère. C'est grâce à elle que j'excelle sur cette terre. Bon, ces rimes ne sont pas très poussées, mais grâce à ma musique peut-être je pourrais t'épouser. Si je suis riche, je te couvrirai de mes billets. Si je suis pauvre, là c'est toi qui m'enverras chier. Si l'amour frappe à ma porte, je saurai l'apprécier. Si l'amour est un rêve, alors laissez-moi pioter. Alors je t'emmènerai jamais jusqu'au bout de la nuit. Oh mon amour, je te ferai l'amour jusqu'au petit jour. Mais ne crois pas, je ne serai plus là le lendemain. Et puis un jour j'ai rencontré une fille de rêve, une divine beauté en costume d'Ève. À cet instant ce petit ange a décoché sa flèche, touché en plein cœur, un éclair, le coup de foudre.